Rick Mialou est avec nous. Là, ça fait quoi, une semaine que l'école est commencée. Il y a des jeunes qui vont sortir de l'école pour aller à l'université, au collège après. Là, on ne sait pas trop quoi faire. La technologie avance beaucoup au cours des 10 dernières années. Il va y avoir des nouveaux emplois qui vont arriver. Comment on peut faire dans ce temps-là? Là? On sait... Déjà, je me rappelle, moi, quand j'allais à l'école, je savais même pas ce que je voulais faire, puis c'était juste des métiers traditionnels. Il n'y avait pas de métier à en devenir. C'est pas drôle, ça, dans ce temps-là, quand t'es tout mélangé. C'est clair, c'est pas drôle. Et le marché, ben, le marché de l'emploi, il change constamment. Ça serait, on l'a vu, on peut parler aux générations qui sont passées avant nous. Et là, si on parle aussi, donc les générations futures vont pouvoir voir un peu tout ce qui a été avant. Donc effectivement, le marché de l'emploi change totalement. Donc le travail traditionnel, comme on le connaissait dans le passé, est en train d'aller vers un autre chemin. Parce que quand on regarde là, du début de l'industrialisation, là, dans les années 1880, tout le monde partait de l'agriculture, beaucoup sortaient des villages pour aller chercher une job dans une usine parce que c'était plus payant. Oui. Là, aujourd'hui, de moins en moins, l'industrialisation, on en perd, les robots prennent la place, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Là, il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont arriver pour les jeunes. Oui. Je sais que tu avais envie de nous parler peut-être d'emplois du futur qu'on connaît pas encore. Oui, toi, t'y connais, par exemple. Ben, exactement. Donc, ça, c'est les emplois du futur, mais d'ici, donc, on va dire d'ici 2030. Effectivement, comme futur, c'est assez... ça peut être, pour certains, assez proche, mais pour certains, c'est comme assez loin. Ça dépend de l'approche qu'on a, mais c'est quand même... C'est futur, ça s'en vient. C'est parce qu'on peut pas trop se projeter dans l'avenir à 30-40 ans, parce que là, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là. C'est sûr. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui va arriver, mais qu'on le veuille ou pas, le jeu qui a aujourd'hui 10 ans, 10 ans par exemple, d'ici 2030, donc ça veut dire dans 12 ans, il va avoir 22 ans. Cette personne-là a effectivement le potentiel et tous ceux qui ont cet âge avoisinant, là, donc entre 20 et 25, ils auront cette opportunité au fait d'être sur le marché du travail probablement. Et d'ici là, il va avoir des opportunités d'emploi qu'il n'y a pas aujourd'hui. Parce que présentement, en 2030, travailler dans une usine, ça ne sera plus le bon choix à faire. C'est ça. Ça pourrait toujours être un choix, en passant. Ça pourrait toujours être un choix, mais il va avoir d'autres opportunités. On en a 6, au fait, qu'on va partager un peu, 6 métiers du futur, 6 possibilités d'emploi dans le futur. Mais je voulais préciser que c'est 6, mais c'est 5 avec un qui existe déjà. Il a commencé, lui. Exactement. Ça veut dire que si je veux lâcher la radio, je peux y aller. Ah, si tu veux, exactement. Ça pourrait être quelque chose. Il faut avoir les compétences, par exemple, pour aller à cet emploi. Ah, ça, je ne le sais pas encore. Il faudrait que je regarde le descriptif des tâches. On va pouvoir en parler en long et en large, exactement. Mais c'est ça. Donc, au fait, c'était suite à un article qui avait paru au début de l'année durant le Forum économique mondial. Donc, ils ont sorti un article et ils ont parlé de 6 possibilités d'emploi. Ça, c'était en février de cette année. Ils ont parlé de 6 possibilités d'emploi d'ici 2030. Alors, j'en parle aujourd'hui, septembre. Ça fait aux alentours de 7 à 8 mois que cet article a paru. Quand cet article a paru, toutes ces informations, elles étaient comme informations du futur. Mais en l'espace de 8 mois, 7 à 8 mois, il y a un emploi qui a commencé à exister. Ça veut dire que ça se développe assez vite. On parle d'emploi du futur, mais exactement, ça peut être presque dans le présent. Là. Exactement. C'est vraiment maintenant, ça commence. Donc, les gens peuvent se préparer à aller vers cet emploi-là. Donc, mais parlons-en. Donc, commençons avec la première opportunité. C'est pas forcément en ordre, là, mais... La première opportunité, c'est recycleur de décharge de déchets. Ça, c'est un exemple parce que quand on voit un peu partout dans le monde, en Europe, vraiment à l'international, en Afrique, probablement en Amérique, il y a plusieurs décharges de déchets. Moi, la première image que j'ai, là, c'est de me voir avec une pelle en train de pelleter les déchets pour les amener ailleurs, pour les recycler. Non, pas c'est forcément. C'est pas très, très intéressant. Non. D'ici 2030, il va y avoir des machines, au fait, qui vont être développées pour pouvoir broyer ces déchets d'une certaine manière. Les détruire d'une certaine manière, les transformer pour que ça devienne des produits, des matières premières, au fait. Donc, à partir des déchets, cette machine serait capable de pouvoir produire des matières premières. On parlait même d'avoir des possibilités des déchets, de faire du combustible avec ça. Ça va peut-être dans l'avenir. Exactement. On va peut-être pouvoir se libérer du gaz et du pétrole pour les déchets, les brûler, les transformer en électricité, en combustible quelconque. Exactement. Et ça, c'est vraiment cette opportunité. Au fait, ce poste du futur est arrivé à cause du fait qu'effectivement, le désavantage d'avoir des déchets dans des zones, donc la pollution du sol et tout ce qui va avec. Donc évidemment, à partir de là, ils se sont dit, OK, ça serait une possibilité d'emploi d'ici 2030 qu'on devrait créer pour pouvoir arrêter de détruire la terre. Déjà, il y en a qui ont des nouvelles constructions, des maisons. Oui. Puis en arrière de leur clôture, c'est un dépotoir. Exactement. C'est pas très, très le fun non, là, de voir ça. Non, c'est vraiment pas là. Le fun, exactement. Alors, si on peut enlever ça, transformer ça, on va pouvoir gagner des terrains, des constructions et faire plein de plus belles choses que de voir un paquet de déchets en arrière de notre cour. Exactement. Et mon deuxième, le deuxième emploi qui est très intéressant, c'est chirurgien robotique à distance. Donc, ça veut dire que n'importe quel chirurgien partout dans le monde, admettons, toi, tu seras un chirurgien. Et que, merci, j'espère que j'ai le salaire qui va avec. Ben oui, évidemment. Donc, chirurgien, salaire qui va avec. Ta renommée est tellement grande que quelque part en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Europe, quelqu'un aurait besoin de ton aide. Attends un peu, laisse-moi rêver deux secondes. Vas-y. OK, c'est fait. Donc, c'est ça. Donc, étant donné que quelqu'un aurait besoin de ton aide, alors toi, tu serais connecté à un robot, au fait, qui serait lui aussi connecté à une connexion 5G et tout ça. Donc, tu serais connecté à un robot, synchronisé à un robot, et tu bougerais tes mains et tout ce qui va avec. Tu traiterais le patient à distance au travers d'un robot. C'est presque comme jouer au PlayStation ou Xbox, mais sur quelqu'un. Exactement, c'est ça, exactement. C'est vraiment, oui. Mais déjà, on le voit tranquillement, pas vite. C'est directement dans la salle d'opération. Oui. Et on voit des bras, des médecins qui commencent à faire des opérations plus spécialisées. Exact. Tranquillement. Mais là, tu pourrais vraiment être ici à Penetang puis opérer quelqu'un en Australie. Là. Exactement. Donc, c'est vraiment le fait de connecter le monde, justement. Là. Donc, être capable d'avoir accès à la santé, au fait, partout, peu importe lorsqu'on est dans le monde, ce qui est très génial. Donc, admettons une personne qui irait en voyage et qui aurait un malaise et qui voudrait se faire traiter que par son médecin, par exemple, donc pourrait se connecter et puis se ferait traiter. Ça serait, c'est le fun, ça. Oui, mais à penser à ça, disons que c'est très futuriste. Hein? Oui, c'est très futuriste et c'est d'ici 2030. Là. Je regarde ça, je me rappelle que je regardais à l'époque Retour vers le futur, on disait que les voitures pour voler et tout, c'était tellement futuriste. Ouais. Puis là, on est déjà rendu avec des voitures intelligentes. Peut-être dans quelques années, on va pouvoir voler comme dans les comics des Jetsons, là, on ne sait jamais. Exactement, il y a des voitures, ils sont en train de développer des voitures là, justement qui peuvent le faire. Ça coûte cher, par exemple. Là. C'est pas tout le monde qui peut se l'acheter, ce genre de voiture-là. Là. Moi, je ne les achèterai pas tout de suite. Je vais attendre quelques années qu'ils baissent un petit peu. Là. Non, c'est clair, là, exactement. Plus les années vont, la valeur de la voiture descend. Right? On a architecte conservateur numérique. Oui. Ça fait quoi de bon dans la vie, ça? Ben, au fait, à cause de la mondialisation et de l'évolution industrielle, évidemment, les anciennes bâtisses qui existent, comme les églises ou les patrimoines mondiaux et tout ça, ils vont disparaître. Qu'on le veuille ou pas, parce que ces endroits, il faudra être capable de les conserver d'une certaine manière. Et on sait qu'avec le temps, au fait, les matériaux vont disparaître. Donc, le travail d'architecte conservateur numérique est d'imprimer au complet ces images-là pour pouvoir, au fait, les afficher, que ce soit dans les musées ou dans d'autres endroits publics, que les gens puissent quand même se rappeler de ce qu'on avait dans le passé. Donc, ça permet aux gens de conserver, ça permet aux populations, au fait, de conserver leur identité. Leur culture d'une certaine manière. Mais est-ce que c'est seulement en image où on peut faire une impression 3D? C'est vraiment une impression 3D, exactement. C'est une impression 3D, donc ça veut dire que c'est des endroits que les mondes pourraient... Ils pourraient être à l'intérieur, en train de regarder « Oh, voici de quoi ça avait l'air, et tout ça. » Très intéressant. Alors, on pourrait reproduire les pyramides d'Égypte un peu partout. Les pyramides, les châteaux, les châteaux. Moi, j'aime bien les châteaux asiatiques, là. Oui. Comme dans les films, justement, là, d'arts martiaux et tout ça. C'est très intéressant. Donc, on pourrait avoir accès à cela, dans le fond, là. Et ça serait pourrait être très, très intéressant parce qu'on sait que si on ne réussit pas à conserver ce patrimoine-là, un jour ou l'autre, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Déjà, quand on regarde les pyramides d'Égypte, c'est de la rénovation année après année pour être capable de les conserver. Ça doit être des coûts faramineux. Exact. Peut-être qu'un jour, on va laisser, laisser ça aller et on pourra peut-être se rappeler d'eux autres avec l'impression 3D. Ben oui, à un moment donné, on n'aura pas le choix, là, évidemment. Là. Donc... Entre autres, éthnicien en technologie publique. C'est ça, éthnicien de technologie publique. Au fait, le travail de cette personne, c'est un travail pour chercheurs publics. C'est pour simplement aider les gouvernements à décider, dans le fond, quelle technologie ils peuvent mettre à la disposition de la population. Donc ça va être des gens qui vont, parce que le transport va avoir avancé et tout ça, mais c'est ça va être des chercheurs qui vont poser des questions aux gens dans les trains, les autobus et tout ça. Est-ce que vous aimez les services? Est-ce que vous aimez ce qui se passe? Comment est-ce que vous trouvez les détails de ça? Qu'est-ce qui vous a plu et tout ça? Donc ça, c'est un travail vraiment pour des chercheurs publics. C'est pour aider les gouvernements. Il y a un. C'est, au fait, avant d'aller au sixième, c'est un ingénieur développeur de blockchain. Ah, j'en ai manqué un. Là. Oui, exactement. Donc ça, c'est... au fait, tout simplement, ça, c'est pour... étant donné qu'on sait que nos données, au fait, qu'on utilise sur Internet et tout, ne sont pas forcément sécurisées à 100%. Ben, on voit avec Wasaga. Exactement. Et aussi, la semaine passée, là, ici à Midland, ils ont payé une grosse rançon. Ils n'ont pas dit le montant, mais ça a coûté sûrement plus que 5 pièces. Exact, parce qu'il y a eu des cyberpirates... Une faille, là. Exactement, qui ont eu accès à leurs données. Donc, le travail d'ingénieur développeur de blockchain, c'est de s'assurer que... Maintenant, les gens, quand ils vont naviguer sur Internet, vont pouvoir avoir la sécurité totale. Donc, ça va être vraiment un travail très intéressant, oui. Parce que quand on regarde ça présentement, on a beau avoir des antivirus, faut croire que sont pas assez efficaces ils parce que ça a l'air assez facile de rentrer un peu partout. Exactement. Dans les gouvernements, dans les entreprises, dans les villes. Voilà, personne n'est protégé, que ce soit le personnel ou le privé là. Donc il y a personne qui est protégé là. Je veux dire, toi et moi, on peut vivre chez nous, essayer de nous protéger par tel antivirus et tout ça, mais on n'est pas plus protégé que les grosses organismes qui essaie de faire la même chose. Parce que quelqu'un qui sait jouer un petit peu avec l'ordinateur, connaît les cracks, disons que c'est pas très, très difficile pour lui. Ça, c'est effectivement la vérité, oui. Et aussi, ce qu'on voit, surtout quand on réussit à les pogner, ces gens-là, ils sont arrêtés, mais ils vont pas en prison. Ils gardent le gouvernement pour leur sécurité. Il faut croire qu'ils font quelque chose de bien, en fin exactement. De compte. Ils se créent de l'emploi en allant faire du mal à du monde. Oui. Il faut dire que présentement, il y a plusieurs jeunes qui se posent des questions. Même moi, pendant que j'avais de l'éducation choix de carrière à 16-17 ans, j'avais de la misère à choisir un métier. On m'avait même dit... que je serais commis aux pièces. Ouch. OK. Ouais, j'ai presque eu envie de dire à la personne... T'as-tu envie de retourner à l'école? Parce que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Là, je regarde ça. Là, je regarde les métiers d'avenir. Puis au moins, il y en a deux et trois qui m'intéressent là-dedans, qui ont de l'air plus intéressants que commis aux pièces. Voilà. Et vois-tu... Moi, je me suis amené ici, je suis commis à la console, au micro. Ouais. Je me suis un peu recyclé dans d'autres pièces. Mm-hmm. Ce qui est très bien. Hey Rick, je te remercie beaucoup. C'était très intéressant, les emplois du futur. Puis je pense qu'on va parler peut-être plus tard d'intelligence artificielle parce que ça va aller très, très vite dans le domaine de l'emploi. Exactement. Merci Rick. 8